Tu es à présent sur British Connection, la dernière aventure du monde civilisé, et tu n'en sortiras pas vivant. Salut, c'est Xavier Martin dans British Connection. Je suis venu vous parler aujourd'hui de mon dernier livre, fraîchement sorti chez l'éditeur Camion Blanc, qui s'appelle Archive, livret de famille, ou en français, Archive, livret de famille. C'est la première biographie dédiée au collectif sud-londonien, un collectif qui aime à se définir comme une famille, d'où le titre choisi pour le livre. Tout au long de sa discographie, Archive a posé un regard aiguisé sur le monde et sur ses dérives. Des dérives que les chansons mettent en lumière et dénoncent, délivrant des messages clairs et pour la plupart du temps sans aucune ambiguïté. Je retrace dans le livre toute la carrière du collectif et dissèque les albums en essayant d'apporter un éclairage inédit sur le contexte dans lequel ils ont été créés. L'histoire d'Archive commence dans la première partie des années 90, lorsque Danny Griffith et Darius Keller, tous deux passionnés de son techno et house, se rencontrent. Fascinés par la richesse issue du mélange des genres et influencés par la scène de Bristol, ils s'orientent naturellement vers le trip-hop, à l'instar de leurs contemporains d'alors que sont Massive Attack et Portishead. En 1996, après des atermoiements de la maison de disques qui leur feront perdre un temps précieux, les deux compères, alors accompagnés de la chanteuse d'origine iranienne Roya Arab et du rappeur Roscoe John, sortent un premier album aux allures de chef-d'œuvre, Londinium, du nom ancien de la capitale anglaise. Je vous propose d'écouter le titre qui donne son nom à ce premier disque, Londinium. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Energy from every pore, make what you will. Are you with or without? The force cannot be blamed. Just the hunger or greed, supplying the earth to try. Dirty water, no profit to supply. Not round, travel. In every direction you turn, touch fire and burn to earn self-recognition over all preoccupied your nonsense. Plead my innocence, savor this aroma of a new experience. High intelligence bound for the underground. We burrow deep down. I originate like the word individual, visual, visionary. I vary in all of us, see my eye view. Multiply to the big bad city with our human emotion running wild, not fit for the child of all ages. Accelerate speed of life, moving closer to the center. Enter at your own, if you will. Still the hustling, bustling, busy beehive is alive and kicking. I'm picking the moment. Gotta get away from this monotonous. Call the capital L, loving every minute that I'm in it. Thank you. Darius Keller et Danny Griffiths accusent le coup. Le deuxième album de Massive Attack, Protection, ainsi que le premier disque d'un petit groupe de Bristol, Portishead, sont sortis avant et ont attiré toutes les lumières ainsi que toutes les critiques de presse. Le retard pris par la maison de disques a relégué Londinium au second plan, et ça, c'est insupportable pour Darius et Danny. Le groupe explose, il faudra attendre 3 ans désormais pour voir arriver le deuxième album, Take My Head, avec une nouvelle chanteuse, Suzanne Wood. Album injustement sous-estimé, même par Darius. Puis, nouveau changement de line-up pour You All Look The Same To Me en 2002, dont nous reparlerons, avant que le collectif ne trouve son rythme de croisière en 2006 avec l'album Lights et surtout l'arrivée de Dave Payne et de Pollard Berry. Entre-temps, il y aura eu la BO du film Michel Vaillant, l'album Noise, mais dès Lights, le noyau est constitué et ne bougera plus, enchaînant les albums Controlling Crowds, Axiom, With Us Until You're Dead, Restriction, The False Foundation, évoluant de plus en plus vers un rock progressif, sans pour autant renier ses premières amours, jusqu'à ce superbe album, Call to Arms and Angels, sorti cette année et largement inspiré de ce que les musiciens ont vu et entendu de la période d'arrêt de pandémie mondiale du Covid. De cette expérience, ils ont tiré un triple album absolument superbe de 17 titres, dont ce très beau Fear There and Everywhere, témoignage musical des moments anxiogènes à travers lesquels il nous aura fallu passer, et que voici. British Connection, just rock! Feeling Pour cette dernière partie, faisons un saut en arrière d'une vingtaine d'années et revenons sur l'album You All Look The Same To Me de 2002. Après les changements de line-up suite à Londinium et le départ de Roya Arab et de Take My Head avec le départ de Susan Wooder, Archive se met à la recherche d'un nouveau chanteur ou d'une nouvelle chanteuse et utilise pour cela la technique des petites annonces. C'est Greg Walker qui est retenu et qui, par conséquent, restera à la postérité pour avoir été le chanteur original du titre, sans aucun doute, le plus connu de la discographie d'Archive, puisque ce titre est présent sur cet album de 2002. Aussi, pour terminer, je vous propose d'écouter dans British Connection le titre Again, en version radio-edit, plus courte, la version complète faisant 16 minutes, en vous rappelant le titre de mon livre, Archive, livret de famille chez Camion Blanc, pour vous aider à mieux connaître ce collectif absolument fabuleux qu'est Archive, et surtout en vous remerciant de m'avoir écouté aujourd'hui sur British Connection. À très bientôt. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, could I laugh again? Merci à Xavier Martin de nous avoir parlé d'Archive à l'occasion de la sortie de son livre chez Camion Blanc, Archive, livret de famille. Xavier vous offre un exemplaire dédicacé. Vous laissez vos coordonnées en message privé via la page Facebook de British Connection. Tirage au sort à la fin de cette émission. Mais Marie-Odile, vous n'êtes pas là pour jouer de la flûte! Ouais, c'est ça. Toi aussi, affirme ton côté rock en écoutant British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les autres radios. Salut, c'est Jneb, auteur-compositeur-interprète, et je viens de sortir mon nouvel EP intitulé Moments de solitude, que j'ai confectionné de A à Z en Do It Yourself. Je vous propose d'écouter le morceau On tourne en rond, maintenant, dans British Connection. Monte le son, c'est British Connection. Mondiale vit avec moins de 5 euros par jour. L'électricité augmente. Le gaz augmente. La baguette augmente. Les transports augmentent. Seule British Connection, votre émission rock n'augmente pas. Elle est gratuite. Écoutez British Connection, l'émission rock qui vous aime et qui prend soin de vous. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la dernière partie de l'album de la semaine. Il s'appelle Les Fils de Joie. Nous ne dansons plus la nuit. À l'époque, quand on écrit Le Requin Vert avec Pascal, il y avait la guerre civile au Liban. Mais nous, on n'avait jamais connu la guerre. Il y avait ces images à la télé, dans les journaux, des jeunes qui se battaient à l'endroit où ils avaient vécu. Le Liban, à l'époque, c'était un peu la Côte d'Azur. Hein. On les imaginait revenir sur un lieu imaginaire qu'ils avaient fréquenté, mais cette fois, les armes à la main. Je ne sais plus comment on a nommé ce lieu le Requin Vert, mais enfin, ça sonnait bien, on l'a gardé. Je dirais avec le recul que c'est une chanson engagée dans le style des Fils de Joie. On parle de sujets brûlants en racontant simplement des histoires, parfois provocantes, hein. Ça tente au macoute, parfois poétique, hein, mais c'est toujours dramatique. C'est un peu ce que vivent les Ukrainiens, les jeunes Ukrainiens aujourd'hui, hein, le Requin Vert. Même les jeunes Russes, hein, qui partent probablement au front sans trop savoir pourquoi ils se battent. Mais il n'y a pas que, hélas, les Fils de Joie. Nous, on a toujours été du côté des causes perdues, je crois. J'aimerais quand même dédier, pour une fois, cette chanson à tous les jeunes combattants arméniens, eux qui luttent pour leur liberté, celle de l'Arménie, l'Artsakh, qu'on appelle aussi le Haut-Karabakh, qui est vraiment menacé aujourd'hui par l'agression de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Je crois qu'il y a un risque de deuxième génocide arménien, c'est terrible. Et le Requin Vert, chanson toujours d'actualité, malheureusement. Voilà, le Requin Vert. It's only rock, British Connection. Les parfums du soir au bord de la mer, cette fois encore j'entrais au Requin Vert. Sans un bruit, je monte au premier, à terre les glaces brisées par les premières rafales. Je sors une roquette de son étui, j'observe la nuit. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Si je dois mourir ce soir, je crois que j'aimerais que soit perdu tout espoir en moi pour finir sans regret. Ce jour-là, respirons les parfums du soir. Une fois encore, j'entrais au Requin Vert. Les plus belles étaient toujours là. Les nuits me paraissaient si courtes dans leurs bras. Et même si j'avais encore une chance de recommencer. Si je dois mourir ce soir, je crois que j'aimerais que tout soit détruit autour de moi pour finir sans regret. À visiter la page Facebook de British Connection. Vous y retrouverez des centaines de photos, la playlist de l'émission d'aujourd'hui, les podcasts. Et puis si vous êtes bien sage, demandez le t-shirt de l'émission, je vous l'offrirai avec grand plaisir. Allez, on fait une courte pause, on se retrouve pour la dernière demi-heure de British Connection avec la série live. On retrouvera le tout nouveau M83 et bien sûr Amar des Frelons pour son choix ska de la semaine. À tout de suite les amis.